Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Quatorzième épisode. Perswarden s'est suicidé. Il a laissé une lettre pour Montolive dans laquelle il reconnaît s'être trompé au sujet du complot copte. Il lui demande d'étouffer l'affaire afin d'épargner Nessim. En réalité, ce suicide a été provoqué par une lettre de Liza à son frère, dans laquelle elle lui a révélé son amour pour Montolive. Par sa mort, Perswarden a voulu libérer sa sœur de l'emprise de leur amour incestueux. Ces révélations ont bouleversé Montolive. Mais ce n'était pas seulement pour Montolive que toutes les pièces de l'échiquier avaient été brutalement perturbées par l'acte solitaire de Perswarden et la découverte inattendue de la cause première de sa mort. Pour Nessim et pour Justine, qui se parlaient à voix basse, étendus front contre front, les yeux grands ouverts dans la somptueuse chambre baignée d'ombre, la discordance de leur vie était à la mesure de l'angoisse qu'ils avaient héritée de la ville et du siècle. Tu sais, j'ai presque envie de te proposer de nous en aller, de quitter cette ville, cet air imprégné du sentiment d'exil et d'échec. Ça me donne la nausée. De toute façon, pour nous, impossible de partir. Il est trop tard. Mais il va falloir changer de vie. C'est-à-dire ? D'abord, arrêter ce faste, ces fêtes continuelles. Au lieu de faire diversion, nous n'avons fait qu'attirer l'attention sur nous. Durant l'été et l'automne, les deux conspirateurs avaient organisé une série de réjouissances d'une ampleur jamais atteinte à Alexandrie. La grande maison ne connaissait plus de répit. Depuis quelque temps, elle était animée en permanence par les fraîches et désuètes envolées d'un quatuor à cordes ou secouées par les soubresauts viscéraux des saxophones cornant dans la nuit comme des canards. Les cuisines, jadis désertes, vastes comme des antres, grouillaient d'une armée de cuisiniers mettant de l'ordre après une fête somptueuse ou préparant le prochain festin. On disait en ville que Nessim avait décidé de lancer Justine dans le monde, comme si les splendeurs provinciales d'Alexandrie pouvaient encore avoir des charmes pour lui, qui était devenu un véritable Européen de cœur. Non. Ces assauts délibérément lancés contre la société de la deuxième capitale de l'Égypte avaient un double but d'exploration et de diversion. Ces festivités fournissaient aux conspirateurs une toile de fond devant laquelle ils pouvaient se mouvoir avec la liberté qu'exigeait leur tâche. Les Alexandrins n'y ont vu que du feu, mais les Anglais se sont mis à flairer quelque chose. Ils n'ont pas manqué une réception. Sous leur nonchalance, ils sont aussi curieux qu'une commère de village. Il faut dire que ta prodigalité a dépassé tout ce qu'ils avaient connu. Même le roi ne décollait plus d'ici. Le roi, c'est autre chose. Pour lui, je ressemblais enfin à ce que j'aurais toujours dû être. Le banquier le plus riche, le plus élégant et le plus mondain d'Alexandrie. Il m'a dit un jour que j'étais enfin entré dans ma peau. S'ils savaient tous comme je déteste ces bals et ces fêtes, comme tout cela m'ennuie et me fatigue. Je sais tout cela, mais Nessim tout de même, depuis quelque temps tu ne vas pas bien. Avant même cette nuit horrible, la mort de Perswarden. Tu ne dors quasiment plus. Et ces fièvres continuelles. Je me fais un sang d'encre. C'est juste un peu de fatigue. Là maintenant, voilà, tu te remets à trembler. Tu devrais prendre ta température. Non. Je t'en prie. Je suis follement inquiète. Moi aussi, je suis inquiet. L'état de Leila me tourmente. Il a fallu que je lui dise la vérité. Lorsqu'elle a compris l'ampleur de nos projets, elle s'est effondrée. Comme si un mur s'élevait entre Montolive et elle. Évidemment. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue au rendez-vous, le soir du bal chez les Cervone. Je lui avais tout dit ce matin-là. Tout ? Sur le complot ? Mais c'est de la folie. Pourquoi tu fais cela ? Nessim, réponds-moi. Tu me fais peur. Cette mélancolie. Ces yeux dans le vague, fixes comme ceux d'un fou. Justine, je n'en peux plus. Il y a autre chose. Oui. Il s'agit de Naruz. C'est horrible. Je dois envisager de le faire disparaître. C'est vrai, j'ai failli devenir fou. Je ne sais plus quoi faire. Il nous a totalement échappé. Dis-moi. Dis-moi tout. Il y a quelques semaines, au moment d'entrer dans mon bureau, j'ai trouvé Ramsès, le chef de la plus puissante famille copte de notre communauté. Il était assis dans le fauteuil réservé aux visiteurs, en train de fumer tranquillement une cigarette. C'est le copte le plus influent des rois du coton. Un vieil ami de mon père. Nessim, je ne suis pas venu ici en tant qu'ami, mais en tant que représentant du comité des 10 familles. J'ai un devoir pénible à remplir. Puis-je vous parler franchement, sans passion ni rancœur? Nous sommes très inquiets. Mais je vous écoute. Il s'agit de votre frère, Naruz. Dites. Nessim, lorsque vous avez fondé le mouvement de la communauté copte, votre but n'était pas d'allumer une guerre sainte ni de rien tenter de subversif contre le gouvernement égyptien, n'est-ce pas ? Certainement pas. C'est ce que nous pensions. Et si nous vous avons suivi, c'est que nous avions foi en votre conviction que les Coptes devaient s'unir afin de participer plus directement aux affaires publiques. Notre patriotisme communautaire ne devait diminuer en rien notre patriotisme envers l'Égypte. Nous sommes bien d'accord. Absolument. Nous sommes réjouis d'entendre Naruz prêcher les valeurs de notre religion et de notre culture. Car il était nécessaire de dire ces choses. Nécessaire de les sentir. Mais vous n'avez pas assisté aux réunions depuis 3 mois. Vous ne savez pas le changement qui s'est opéré chez Naruz. Il se croit chargé d'une sorte de mission. Il proclame maintenant des choses qui pourraient sérieusement nous compromettre. C'est-à-dire ? Dire que les Coptes retrouveront leur place au soleil est une chose. Mais dire qu'ils balayeront le régime corrompu des Pachas, parler de prendre possession de l'Égypte et de remettre de l'ordre dans les affaires de la royauté... Il dit des choses pareilles ? Oui. Dieu merci, nos réunions sont secrètes. Au cours de la dernière assemblée, il s'est mis à hurler comme un possédé et à crier que s'il le fallait, il armerait les Bédouins. Mon cher Nessim, nous comptons sur vous pour prendre des mesures. Je le verrai sans tarder. Qui plus est, il s'est mis à boire. Plus que de raison. Je pense qu'il est urgent de s'occuper de lui. Je le verrai sans tarder. Se tournant sur le côté pour plonger à nouveau ses yeux dans les yeux noirs et impassibles d'une Justine qu'il savait plus forte que lui, Nessim se répétait lentement cette phrase, en la tâtant avec l'esprit, comme on éprouve le fil d'une lame en l'effleurant délicatement du pouce. Il avait reculé cette entrevue, sous un prétexte ou un autre, tout en sachant bien que, tôt ou tard, il devrait s'y résoudre, qu'il allait devoir affronter Naruz, le mettre au pas. Oui, il faut que tu ailles lui parler. D'autant que Pur Suardin a mis les pieds dans le plat avec sa mort et sa trahison. Il faut faire vite. Naruz ne comprend rien aux enjeux et aux dangers de toute cette histoire. Tout est arrivé si brutalement. En quelques semaines à peine. C'est vrai. Mais si tu ne peux plus trop contrôler les événements, tu peux te contrôler toi-même et maîtriser tes nerfs. Tous les sédatifs que je prends n'y ont rien fait. Je suis assailli de rêves, comme possédé par mon enfance. J'irais bien tuer Naruz moi-même. Mais je sais que cela nous séparerait, à tout jamais. Si toutefois tu estimes qu'il n'y a pas d'autre solution, je trouverai le courage d'en donner l'ordre à ta place. Bien entendu, elle ne parlait pas sérieusement. C'était une ruse pour le tirer de son apathie, et instantanément, l'esprit de Nessim retrouva sa lucidité. Les brumes de son indécision se dissipèrent d'un coup. Je partirai ce soir. Tout cela sera résolu d'une manière ou d'une autre. Quand il arriva à Khar Mabougirg, le manoir des Rosnani était déjà plongé dans une pénombre mauve au pied du petit village d'où la tige blanche du minaret émergeait et brillait encore au soleil. Il aperçut Naruz, un fouet à la main, qui se tenait sur le dernier balcon de la maison et regardait fixement l'ombre bleue de la cour. L'homme au fouet, qui plongeait un regard si intense sur le sombre puits de la cour, trahissait par sa pose même une puissance toute nouvelle, inquiétante. Une autorité qui n'appartenait pour ainsi dire pas au répertoire connu des gestes de Naruz. Le régisseur donna quelques précisions à Nessim. Il s'exerce presque tous les soirs maintenant, à tuer au fouet les chauves-souris. Et de 13. Y'en a rose. Y'en a Nessim. Un lourd silence se referma sur eux. Nessim vit que le sol de la cour était jonché de corps de chauves-souris, comme des lambeaux de parapluies déchirés, les unes palpitant et se démenant dans les flaques de leur propre sang, les autres déchiquetées et inertes. 13, hein? Y'a Ali! 13, y'a Sidi. Y'a Naruz! Je suis venu te parler de choses très importantes. C'est très urgent. Monte, je t'attends, Nessim. Bien. Assieds-toi là, Nessim. Tu trembles, Naruz. Tu as bu, c'est nouveau, ça. L'ombre d'un sourire apparut sur les lèvres torves de Naruz. Puis, ce sourire, empreint d'une sorte de mépris cynique, creva brutalement en un rictus qui fendit son bec de lièvre sur toute sa largeur pour disparaître aussitôt, comme avalé, brusquement absorbé par une pensée qu'il ne pouvait exprimer. Naruz, ce sont eux qui m'envoient. Pour l'amour de Dieu, que leur as-tu donc dit ? Le comité des 10 familles est effaré par tes propos. Mes propos, Nessim? Quand le temps sera venu, je saurai comment agir. Je ne suis pas un rêveur, moi. Un rêveur? Est-ce que je n'ai pas essayé 1000 fois de t'expliquer ce que nous essayons de faire? Un paysan. Un idiot, voilà ce que tu es. Des mots. Rien que des mots. Je te connais maintenant, mon frère. Tu n'es capable de rien d'autre. Face à cette silhouette abrutie par l'alcool, qui mettait tant d'obstination à refuser de lui obéir, Nessim sentit une rage sourde monter en lui. Il regarda craintivement aux alentours, comme s'il cherchait du secours. Où est Leïla? Dans le pavillon d'été, tu sais bien. Bah, va donc la trouver, tiens. Ivrogne. Tu nous fais courir à tous un immense danger. À Leïla, à toi-même, à Mount Olive. Mount Olive, cet anglais, ce porc. Il cracha ses mots avec une violence sauvage, comme s'il était au bord d'une crise de folie. Puis, ses muscles parurent se relâcher, s'affaisser. Et il lança à Nessim un regard côteleux, presque obscène. Il dit, avec un ricanement qui sortit en sifflant de sa lèvre fendue, « Tu as vendu notre mère, Nessim. Et tu savais parfaitement que cela tuerait papa. C'en était trop. Nessim se jeta sur lui et le frappa à toute volée de ses deux poings serrés. Tu as vendu notre mère. Mais ce fut sans effet sur ce corps massif. Narouz ne fit pas un mouvement, ne tenta pas d'esquiver la violence de son frère ou de lui répondre. Il ne pouvait se résoudre à frapper son frère aîné. Il resta assis, plié en deux, ricanant sous la futile grêle de coups, se contentant de répéter inlassablement, haineusement. Tu as vendu notre mère. Nessim ne s'arrêta que lorsque ses doigts enflés commencèrent à lui faire atrocement mal. Narouz courbait la tête sous cet assaut fébrile, le subissant avec un sourire triste, amer et hagard. Narouz, je te le dis une fois pour toutes, tu sauras bientôt qui est le maître. Il serait sage. Oui, Nessim. Oui. Nous verrons bien. Qui de nous deux? Va-t'en. Maintenant. Nessim reprit le chemin du bac comme un fou. Le visage tordu de rage, couché sur la crinière de sa monture. Quand il comprit que le principe même de leurs rapports familiaux venait de s'effondrer, des vagues de remords le submergèrent. Il se sentait sale, comme s'il s'était avili dans ce combat inattendu avec son frère. Des larmes voluptueuses d'épuisement et d'attendrissement coulaient le long de ses joues. Non, jamais je ne toucherai. Jamais. Jamais. Jamais. Nessim, tu es déjà de retour ? Tout a échoué. Il est devenu complètement fou. Je n'ai rien pu en tirer. Nessim. J'ai agité la question dans tous les sens. Écoute-moi bien. Même si nous courons un danger à cause de lui, nous ne devons jamais le toucher. Je me le suis juré. Je comprends. Est-ce que tu es avec moi? Je veux avant tout que tu retrouves ton calme. Et ta santé. Je suis si désolé de tout cela, Justine. Ce rôle que nous devons tenir, même devant nos amis, cette simulation continuelle, ces menaces. Sans cela, tu aurais pu... Justine le regarda de ses grands yeux consternés. Puis, au bout d'un moment, d'un air rêveur, plein de tristesse, elle dit, en fermant les yeux... Ah, Nessim, sans cela, je n'aurais pas su qui j'étais. Le Quatuor d'Alexandrie, de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. 14e épisode. Avec Christophe Giordano, Darley, Didier Sandre, Nessim, Valérie Lang, Justine, Mohamed Rouabi, Narouz, Alain McMoy, le copte. Et les voix de Rabah Loussif, Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.